Chapitre 8e. L'absence d'Évonime fit éprouver à Antoinette une sensation de calme et de soulagement. Il lui semblait qu'elle se réveillait d'un cauchemar et qu'elle pouvait enfin respirer en liberté. Elle n'était plus obligée de jouer un rôle odieux, de mentir à elle-même et aux autres. Elle souhaitait que les minutes devinssent des heures, que les jours se changeassent en siècles, et que le moment du retour de son fiancé n'arrivât jamais. Pendant ce temps, peut-être un incident inespéré, viendrait la sauver de ce dénouement qu'elle redoutait, maintenant que la première fièvre de sa colère s'était apaisée. Jacques Duhoux, dont le congé était expiré, allait sans doute rentrer à son poste. Et alors, qui sait, qui sait? Elle conservait encore une douteuse lueur d'espérance qui veillait dans un recoin obscur de son âme, comme une maigre lampe dans la chambre d'un moribond. Elle se disait que Jacques l'avait trop adorée pour l'oublier complètement. Céline lui avait bien souvent répété « Tu as des yeux qui ensorcellent, ma fille. Ceux qui t'aimeront ne pourront plus se détacher de toi. » Antoinette avait fini par en être persuadée. Il lui paraissait impossible que Duhoux, revenant à Aubrive, supportât l'idée de l'avoir au bras d'un autre. Mais les jours se passaient et la chambre du forestier restait vide à l'auberge de Pitoiset. Dans le bourg, le bruit courait qu'il avait obtenu l'autorisation de résider à Langres. Certaines gens prétendaient même qu'il avait donné sa démission. Dans tous les cas, il n'avait point reparu. Tout s'évanouissait, tout, jusqu'à la perspective de cette triste vengeance en vue de laquelle Antoinette venait de sacrifier sa vie. Jacques n'entendrait même pas le bruit de la noce. Le tintement des cloches n'irait pas comme un remords et comme une torture jusqu'à son cœur. Tout était fini. Le dernier espoir avait sombré. La dernière lueur était éteinte. Quand au matin du jour fixé pour le retour d'Évonime, la jeune fille, en ouvrant sa fenêtre, entendit le chant des coqs et le bouillonnement de l'écluse du moulin. Quand elle vit, en face d'elle, fumer dans une brume violette les hauteurs boisées de la Tuilière, le souvenir des jours heureux de l'été envahit son âme. Comme ils étaient déjà loin, ces jours pleins d'enchantement. Quel abîme entre l'avenir qu'elle avait entrevu alors et la destinée qu'elle contemplait maintenant face à face. Tout avait si terriblement changé, et changé par sa faute. La conscience d'avoir été le principal instrument de son malheur la plongeait dans un morne désespoir. Elle avait cru que le monde aurait, pour ses fantaisies, les mêmes indulgences que Céline. Elle pensait que la vie la traiterait toujours en enfant gâté, et à la première expérience, la réalité lui avait infligé une mortelle désillusion. Le mal était fait, la blessure était saignante et inguérissable. Pourquoi n'était-elle pas morte le jour où Jacques avait quitté Aubrive? La mort ne l'épouvantait pas. Elle s'était déjà familiarisée avec elle depuis longtemps, depuis le jour où elle avait avalé son morceau de bleu de Prusse au couvent des Marmoutiers. Mourir était après tout une chose moins effrayante que d'appartenir corps et âme à un homme qu'elle n'aimait pas. Rien que cette perspective la faisait frissonner. Que serait-ce quand elle se verrait la femme d'Évonime, sa femme, pour toute la vie? Sa gorge se serra, des larmes amères lui montèrent aux yeux. « Non, non » s'écria-t-elle, « ce n'est pas possible, je ne pourrai jamais !»« Hé, ma fille chérie !» dit Céline derrière elle, « il ne faut pas te faire violence. Parle franchement et romps-moi ce maudit mariage. »« Ah !» répondit Antoinette d'un air sombre, « c'est moi qui l'ai voulu, et maintenant il est trop tard. J'ai joué avec le bonheur de ma vie, et je l'ai brisé. »« Bon !» s'écria Céline, en lui prenant les mains, « tout n'est pas fini encore, et j'ai idée que ce mariage ne se fera pas. » Antoinette secoua tristement la tête, mais Céline n'en persista pas moins dans ses pronostics rassurants. Elle se prononça avec d'autant plus d'aplomb qu'intérieurement elle était convaincue du succès de la semence dont elle avait gratifié Ourmançais. Elle espérait que ses rudes paroles l'auraient fait réfléchir et qu'il ne viendrait pas revendiquer ses droits de fiancée. Elle se trompait. Vers midi, elle entendit Tambel aboyer dans la cour et la pauvre fille faillit tomber à la renverse en apercevant Évonime escortée du courrier qui brouettait les précieux colis renfermant la corbeille de noces. Les confidences de Céline avaient, il est vrai, jeté une forte douche sur l'enthousiasme d'Ormancet, mais, selon son habitude, il avait commencé par ruminer longuement les paroles de la servante, et cette méditation l'avait replongé dans une nuageuse irrésolution. Son amour-propre était profondément blessé. On a beau être un philosophe à la façon de Montaigne, il est toujours désagréable de s'entendre lire qu'on déplaît à une jolie femme sur laquelle on comptait avoir fait impression. De là, à douter de la sincérité de Céline, il n'y avait qu'un pas. « Cette fille, pensait Évonime, n'a jamais pu digérer mon mariage avec Antoinette. Elle avait pris le parti de Jacques contre moi et elle me garde rancune de l'échec de son protégé. D'ailleurs, bien qu'Éponine ne fût point passionnément épris, du moins avait-il pour Antoinette une sérieuse affection et son cœur souffrait de la situation fausse où se trouverait la jeune fille si ce second mariage venait à manquer. Au point où en étaient les choses, quel esclandre produirait une rupture. L'avenir d'Antoinette en serait à jamais compromis. Il faudrait se brouiller avec la famille. Éponine entrevoyait toute une inextricable complication de choses désagréables. Après avoir longtemps pesé le pour et le contre, il s'était déterminé à repartir pour Aubrive, bien résolu à observer de sang-froid l'attitude de sa fiancée et à ne prendre un parti définitif qu'après avoir franchement interrogé le cœur de la jeune fille. À son arrivée à Langres, un incident tout à fait inattendu vint encore accroître son trouble et ses perplexités. Au moment où il s'installait dans l'appâtage du courrier et où le jaune véhicule commençait à rouler dans la principale rue de la ville, Éponine crut reconnaître, sur le seuil d'un hôtel, Jacques Duhoux, revêtu de son uniforme de garde général. Craignant d'être le jouet d'une illusion, il mit la tête à la portière et put constater que ce forestier, occupé là-bas à contempler d'un air mélancolique la fuite du courrier d'Aubrive, était bien son ami Duhoux, en chair et en os. « Ah, il est revenu, » grommela-t-il. « Qui sait si cette infernale servante ne l'a point prévenu, et s'il ne s'entend pas pour m'évincer ?» Hélas aussi, qu'avais-je besoin d'être amoureux et que suis-je allé faire dans cette galère du mariage ? Lorsqu'il entra dans le salon des corderies, le pauvre garçon avait le cœur tremblant. Il sentit toutes ses résolutions héroïques se briser contre l'indifférence glacée d'Antoinette. Tandis que Céline déballait la corbeille, Ormancé s'approcha de la jeune fille et tirant de sa poche deux écrins. « Voyez, lui dit-il en les ouvrant, si ce sont bien les pierres que vous avez désirées. » Les écrins contenaient une parure d'opale et d'aigue-marine. Antoinette les examina du bout des doigts et fit un léger signe d'assentiment. Céline s'était levée pour les contempler. « Des opales !» s'écria la superstitieuse servante. « J'espère que vous n'allez pas donner ça à ma petite fille. Ces pierres la portent de malheur. »« C'est moi qui les ai choisies, » répondit Antoinette. Puis, se retournant vers Éponine, elle ajouta avec un regard sombre « Des aigues marines et des opales, n'est-ce pas la parure qui convient à une ondine ? Au moins essayez-les, dit Éponine en lui jetant un coup d'œil humilié et suppliant. Elle prit les bijoux et se plaça devant la glace. Un rayon de soleil l'illuminait, et sa robe de mousseline blanche, à plis flottants, dessinait mollement sa taille souple, sa poitrine frémissante et ses épaules de reine. Son cou délicat et flexible était encadré dans une collerette et basée à tuyaux droits, comme en portaient les femmes au XVIe siècle. À ses oreilles, à son cou, à ses poignets, les opales et les aigues marines brillaient pareils à de claires gouttes d'eau légèrement irisées. Ses joues, plus blanches que la mousseline de sa robe, faisaient vivement ressortir l'éclat fiévreux de ses grands yeux. Émerveillé de cette neigeuse beauté, Éponine se sentit redevenir amoureux. Ses doutes s'enfuirent comme des vapeurs fondues dans un rayon de soleil, et il marcha lentement vers elle en ouvrant démesurément les yeux. « Vous me trouvez belle ?» dit Antoinette avec un sourire glacé. « Vous ressemblez à une fée des eaux, » répondit Éponine, éblouie. Il s'avança galamment et lui prit une main qu'elle lui abandonna d'un air indifférent. Puis, enhardi, il voulut déposer un baiser sur ses beaux yeux qui lui jetaient un regard si résigné. Mais au moment où les lèvres de l'audacieux fiancé effleuraient déjà les cils bruns de la jeune fille, la figure de cette dernière prit une expression terrible de répugnance et de terreur. Ses deux bras raidis repoussèrent Éponine. « Non, non, jamais » s'écria-t-elle, et dans le même instant, elle s'évanouit et tomba agenouillée sur le parquet. Au cri poussé par Éponine, Céline était accourue. Elle écarta rudement Ormancé, qui voulait soutenir la jeune fille. « Vous voyez bien que vous la tuez » murmura-t-elle d'un air féroce. « Allez-vous-en » Il s'éloigna tout confus. « Cette fois, c'est bien clair, » se dit-il en reprenant piteusement le chemin d'entre deux eaux, « et je comprends tout. Si je laissais faire cette terrible fille, elle se jetterait tête baissée dans l'abîme, quitte à m'y entraîner avec elle. Merci. Je lui fausserais compagnie. Un mariage heureux n'est pas déjà une si fameuse affaire, mais un hymen comme celui-ci serait un enfer pour elle et pour moi. Oh, les femmes ! Elle m'aurait pourtant froidement exécuté pour le plaisir de se venger de Jacques. » « Je vous suis obligé, belle de la leçon. » Il se sentait cette fois radicalement guéri du mariage. Le spectacle de ces pauvres filles, qui aimaient Jacques et souffraient le martyre, le touchait de compassion. Lui, qui se piquait d'observer le cœur humain, comment n'avait-il pas deviné plus tôt la persistance de cet amour resté comme un fer rouge dans la plaie ? « Voyons, s'écria-t-il mentalement, ne ferai-je rien pour établir ce bonheur que j'ai ruiné ?»« Si, morbleu, je leur montrerai tous deux qu'il y a un homme et un brave homme dans la peau d'Évonie Mormançais, et je raccommoderai tout, dussé-je à mon tour laisser au buisson quelques lambeaux de ma dignité. » Il se dirigea vers l'auberge et demanda des nouvelles de Jacques. Le garde général n'avait pas encore reparu chez Pitoiset, mais on savait qu'il avait repris son service. Il faisait des tournées en forêt. Un garde des environs avait été chargé par lui d'emporter le lendemain les bagages et les papiers adressés à l'auberge en son absence et de les déposer à la maison forestière chez le brigadier Sauvageau, où Jacques avait élu domicile. Évonime s'en revint lentement chez lui et passa le reste de la soirée à mûrir un projet qu'il résolut de mettre à exécution sans tarder. Il quitta la ferme des Lobes et arriva de bonne heure aux corderies où il trouva Antoinette et son père et où il fit jouer immédiatement tous les ressorts de ses finesses diplomatiques afin d'amener la jeune fille à l'accompagner jusqu'au bal Clavin. Elle lui avait depuis longtemps promis cette visite et il désirait avoir son avis sur certains embellissements intérieurs. Sa proposition fut moins mal accueillie qu'il ne le craignait. Céline était absente et M. Delisle, ayant eu connaissance de la scène de la veille, avait fortement rabroué sa fille au sujet de ce qu'il nommait ses simagrées. Elle se repentait du reste elle-même d'avoir montré si peu de courage et elle n'osa pas refuser. Il fut convenu que M. Delisle rejoindrait les deux jeunes gens vers midi et qu'on déjeunerait à la ferme. Ils partirent. Le temps était très clair et il avait gelé pendant la nuit. Les feuilles sèches qui jonchaient le chemin étaient saupoudrées d'un léger givre et la terre craquait sous les pieds. Évonime fit prendre à Antoinette un sentier à travers bois. Il s'applaudissait intérieurement du commencement de réussite de ses combinaisons et il se flattait de mener à bien le reste de l'entreprise. Il fredonnait doucement, tout en aidant Antoinette à escalader les rampes abruptes de la forêt, et s'efforçait de diriger la conversation sur des sujets indifférents et impersonnels. La jeune fille, surprise de cette attention délicate, se prêtait de son mieux à une causerie banale et inoffensive. Elle fit ainsi du chemin sans s'en douter. Tout à coup, le petit sentier déboucha brusquement à la lisière d'un taillis, et Antoinette reconnut, dans le fond de la combe, l'étang de la Tuilière, baigné de soleil et bordé de trembles jaunissants. « Pourquoi m'avez-vous amené ici ? » s'écria-t-elle avec un accent irrité. « Ce n'est pas le chemin de la ferme. »« Non, » répondit-il, « mais j'ai un renseignement à demander au garde de la Tuilière. C'est l'affaire d'un quart d'heure à peine. Asseyez-vous au soleil et amusez-vous à lire ceci en m'attendant. » Il lui donna un volume de La Fontaine et monta, le cœur très ému, la sente qui menait à la maison forestière. D'après ce que lui avait dit l'hôtesse d'Aubrive, il avait calculé que Jacques, tout occupé de son emménagement, n'irait pas en forêt ce jour-là. Il ne s'était pas trompé. Jacques Duhou s'installait dans une petite chambre située au premier étage, d'où l'on dominait les bois et l'étang. En entrant, Évonime l'aperçut, penché sur les registres et les cartons qui encombraient le parquet. À côté de lui, une petite table était couverte de papiers épars. Au bruit de la porte, Jacques se retourna, et Évonime fut effrayé de la douloureuse altération de ses traits. Il avait maigri, et les orbites de ses yeux s'étaient encore creusées. À la vue de ce visiteur inattendu, Jacques pâlit, et se levant avec violence. « Que me voulez-vous » s'écria-t-il. « J'espère bien ne plus vous revoir. »« Jacques, mon vieux camarade, » commença Évonime d'une voix émue. Jacques le regarda d'un air hautain. « N'invoquez pas notre ancienne amitié, elle est morte. Vous auriez dû comprendre que votre vue m'est pénible. Écoute-moi un moment avec calme. Allez-vous-en, je ne veux rien entendre. »« Ah, morbleu !» fit Évonime avec obstination. Tu m'entendras pourtant. Si tu t'imagines que je suis monté ici pour mon plaisir, tu te trompes. Ma conscience m'y a poussé, et je n'en sortirai pas avant de m'être déchargé de ce que je crois un devoir. Parlez donc, et faites vite, murmura Jacques sans le regarder. J'ai eu des torts envers toi, reprit lentement Ormancé, et je t'en demande pardon. Mais il ne s'agit pas de moi, je viens te parler d'Antoinette. Jacques eut un tressaillement douloureux. Me venez-vous demander mon consentement ? s'écria-t-il avec une ironie amère. « Il n'est pas question de moi, te dis-je. Si j'étais un moment assez naïf, pourquoi que je pourrais faire un mari présentable ? Je suis bien vite revenu de ma folie. Antoinette n'a jamais aimé que toi. Ton abandon la tue, et elle en meurt. »« Tu ne me crois pas ? » s'écria-t-il en voyant Jacques hausser les épaules. « Bonté du ciel ! Est-il possible que tu ne me crois pas quand je t'apporte pour preuve mon orgueil piteusement foulé aux pieds, quand je m'humilie devant toi jusqu'à jouer un rôle ridicule ? Ce n'est pas elle qui m'a parlé de son amour et de sa souffrance. Elle a bien trop de fierté. Mais j'ai tout deviné, à la fièvre de ses yeux, à la pâleur de ses joues, à ses invincibles répugnances, quand ma main touche la sienne. Elle souffre le martyr, mon ami, et c'est pourquoi je suis venu ici. Et moi ? S'écria Jacques en se retournant vers Ébonime et lui laissant voir sa figure amaigrie. Crois-tu donc que je ne souffre pas ? Penses-tu qu'on m'arrache un amour comme le mien sans que le cœur en saigne ? Depuis un mois, je ne vis pas, je ne pense pas, je marche comme à travers un cauchemar. Quand j'ai voulu reprendre mon travail, j'ai compris que j'en étais incapable. Et quand en arrivant ici, j'ai appris que tu l'épousais, j'ai crié tout seul, à travers les bois, comme si on m'avait enfoncé un fer rouge dans ma blessure. Ses yeux se creusent, dis-tu, et ses joues pâlissent. Eh bien regarde, est-ce que j'ai la mine d'un vivant, moi ? Toi, dit gravement Ébonime, tu es un homme, et tu dois être fort devant la douleur. Mais elle, la pauvre enfant, si charmante et si mal préparée contre la souffrance, un coup de vent qui brise une fleur arrache à peine quelques feuilles et un chêne. « Allons !» ajouta-t-il, en voyant un frisson courir sur la figure de Jacques de Houx. « Laisse-toi toucher par la pitié et sois bon pour elle. » Jacques ne semblait pas l'entendre. Il se promenait à travers la petite chambre avec une agitation croissante. « Tu ne sais pas, » reprit-il en s'arrêtant devant Ormancé. Elle n'a jamais su combien je l'aimais. J'avais mis en elle l'espoir de toute ma vie. Avant de la connaître, je n'avais jamais aimé. Elle a eu tous les bouillonnements de mon sang, toute la sève de ma jeunesse et les trésors de tendresse où personne n'avait jamais puisé. Qu'a-t-elle fait de tout cela ? Elle a pris ma passion pour un de ces amours avec lesquels on peut jouer impunément. Quelle pitié a-t-elle eu après m'avoir brisé ? Quel repentir a-t-elle manifesté ? Je ne demandais qu'un mot, qu'un appel du cœur pour revenir pleurer à ses pieds. Ce mot, elle n'a pas même songé à le prononcer. « Et toi ? » répliqua Ébonime, « as-tu songé à l'attendre ? Ce rappel dont tu parles, ne t'es-tu pas trop pressé de la condamner ? Tu es parti comme un fou, sans même dire où tu allais. Es-tu sûr qu'Antoinette ne t'ait pas écrit, que sa lettre ne se soit pas égarée en route ?»« Oh ! » fit Jacques en secouant la tête d'un air incrédule. « En es-tu sûr ? » répéta Ormancé. As-tu au moins questionné ton hôtesse d'Aubrive ? Jacques s'approcha des papiers amoncelés sur la table. « Voilà, dit-il, ce qui est arrivé en mon absence, des paperasses administratives. Tu peux y fouiller, va, tu n'y trouveras que des paquets officiels. » En dépit de ces dernières paroles, il s'était penché avec Ébonime sur le monceau de paperasses, et tous deux s'étaient mis à trier avec une impatience fiévreuse. Tout à coup, Ébonime poussa un cri triomphant. Entre deux paquets, il venait de découvrir la petite lettre d'Antoinette, à demi enfoncée sous les doubles bandes d'une correspondance administrative. Il l'attendit à Jacques, qui déchira l'enveloppe d'une main tremblante. « Le timbre de la poste porte la date du 21 septembre, » murmura Ébonime. Jacques du Houx dévora les lignes de la pauvre lettre oubliée. À mesure qu'il lisait, il devenait plus pâle. Les muscles de sa figure se détendirent. Un sanglot souleva sa poitrine, et de ses yeux sombres, deux larmes tombèrent sur le papier du billet. Ébonime considérait sans rien dire et se sentait lui-même gagné par l'émotion. Jacques lisait et relisait la lettre sans faire un mouvement. À la fin, Ormancé lui frappa doucement sur l'épaule et lui montra, par la fenêtre ouverte, la combe profonde où l'étang miroitait au soleil. « Elle est là, » dit-il, « à la lisière du bois. Je l'amenais ici par surprise et elle ne se doute de rien. » Jacques, les lèvres contractées, contempla un moment la combe pleine de clarté. Puis il sortit brusquement de la chambre et se précipita hors de la maison forestière. Après le départ de son compagnon, Antoinette avait quitté la lisière du bois et, laissant parmi les feuilles sèches le La Fontaine d'Ébonime, s'était dirigée vers la chaussée de l'étang. Le soleil avait fondu le givre, de légères buées ondulaient sur les pelouses exposées au midi. La jeune fille reconnaissait les moindres détails de la berge où elle s'était arrêtée au retour du bal. Tout était à la même place, les sols de l'îlot, la passerelle à demi brisée, les trèfles d'eau balançant leurs feuilles à triple découpure. Elle s'était assise à l'extrémité du talus, et la tête appuyée sur sa main, elle contemplait l'étang dont le vent ridait doucement la surface, et dont les ondes lumineuses venaient presque baigner ses pieds. L'eau verte et limpide laissait voir à une assez grande profondeur le lit d'herbe flottante où des rayons de soleil se jouaient ainsi que des caresses. Là était le calme, l'oubli des misères, l'anéantissement. « Ne vaudrait-il pas mieux, » pensait Antoinette, « dormir sous le voile de ces herbes onduleuses que d'être ensevelie vivante dans une horrible robe de noces ?» Elle avait toujours aimé l'eau, mais en ce moment elle la sentait plus sympathique et plus attirante que jamais. Elle se penchait et suivait d'un œil fasciné les rayons qui avaient l'air de plonger dans les remous du courant et d'y flotter comme une chaîne aux anneaux d'or. L'eau murmurait dans les joncs. C'était comme une musique lointaine, cristalline, pleine de câlinerie et de mollesse. La jeune fille trouvait à l'écouter un charme indéfinissable. Plus elle prêtait l'oreille à cette musique berceuse, plus elle enfonçait son regard dans ses profondeurs chatoyantes, et plus elle se détachait du reste des choses. Elle avait cessé de penser, elle ne distinguait plus rien des autres bruits de la terre. Son corps glissait insensiblement vers cette ombre invitante et mystérieuse. Le vertige la prenait. Tout à coup, une main nerveuse lui saisit le bras et la ramena violemment en arrière. Elle se retourna et poussa un cri. « Jacques !» dit-elle, et ses yeux se fermèrent. Il la fit asseoir près de lui, sur les pierres du talus. Comme dans la nuit du bal, il sentait le cœur d'Antoinette battre contre le sien. Il contemplait cette figure pâlie, ses yeux creusés, et cette petite bouche pure comme celle d'un enfant. Le charme de Londine l'avait reconquis tout entier. Il la serra plus étroitement dans ses bras et posa un baiser sur ses paupières baissées. Alors elle ouvrit les yeux et revint à elle, toute frissonnante, puis saisissant les mains de Jacques dans une étreinte passionnée. « Ah » murmura-t-elle, « je ne vous attendais plus. Encore un peu, et vous ne m'auriez plus trouvé. »« Vous voulez mourir ? » s'écria-t-il. « Je ne sais pas, mais je me sentais horriblement malheureuse. Il me semblait que j'oubliais mes peines. » En écoutant cette chanson de l'eau qui m'attirait. « Ah » reprit-elle en frémissant, « n'est-ce pas que vous ne me quitterez plus ?» Les sanglots lui coupèrent la parole et des larmes mouillèrent ses yeux. Jacques cherchait à la calmer avec des caresses. Il lui conta la démarche d'Évonime. Il lui expliqua comment il n'avait lu sa lettre que le matin même. Il était parti le 20 septembre, le cœur plein de colère. « Tout m'était odieux, » dit-il. « Vous, Évonime, le monde entier. » J'ai pris le premier convoi qui passait. J'aurais voulu fuir à l'autre extrémité de la terre. Je ne me suis arrêté qu'à l'endroit où le chemin de fer finissait, en Bretagne. Là, entre la mer et la lande, j'ai essayé de me guérir. Mais j'avais beau faire, votre fantôme me suivait partout. Alors, je suis revenu dans les bois d'Aubrive, et dès le soir de mon retour, j'ai appris que vous deviez épouser Évonime. Oui, j'étais mauvaise. Soupira-t-elle. « Mais si vous saviez, comme j'ai pleuré, comme je vous ai attendu. J'ai cru que vous étiez retourné à elle, vous mariée avec la jeune fille aux yeux bleus faïence, et la folie m'a prise. Je voulais vous faire beaucoup de mal, et m'en faire à moi-même. Je me suis jeté à la tête de ce pauvre Évonime. La punition était rude, ajouta-t-elle. Mais si vous me pardonnez, je ne serai plus méchante. J'ai laissé dans les temps toutes mes mauvaisetés. » Il lui prit les mains et les couvrit de baisers. « Je vous aime, » lui dit-il, « et ma vie est à vous. » Évonime était resté dans la petite chambre de la maison forestière. Il avait mis le nez à la fenêtre, et ses yeux perçants suivaient le manège des deux amoureux, qu'il voyait se détacher comme deux ombres sur la verdure du talus. Il poussa tout à coup un soupir de soulagement. « Allons, » dit-il, « la paix est faite. » Il aperçut sur la croisée une pipe et du tabac, jeta un cri joyeux, bourra la pipe et l'alluma. « Voilà. » pensait-il en aspirant les bouffées avec délice. « Voilà depuis longtemps la première fois que je fume avec une conscience paisible. » Il contemplait les allées venues du couple lointain avec ce suave sentiment de volupté qu'on éprouve à regarder du rivage la mer orageuse. « Décidément, murmura-t-il, je ne me marierai pas. Toutes ces tempêtes ne sont pas faites pour moi. Je me contenterai, assis à ma fenêtre, de regarder les gens qui lèvent l'ancre et qui appareillent pour le voyage à Cythère. » Et pourtant ils sont heureux, ces deux amoureux qui se promènent là-bas. Le soleil leur rit de nouveau, et ils oublient la colère de la tourmente qui les a fustigés. Hier, ils s'arrachaient les cheveux et voulaient mourir. Aujourd'hui, tout leur est sourire, chant de fête et caresse. Ah, par ma foi, amour est un étrange maître. Heureux, qui peut ne le connaître ? Ces vers lui rappelèrent qu'il avait confié à Antoinette un volume de son poète favori. « Sarpejeu, s'écria-t-il, et moi La Fontaine. Ils l'auront oublié sous un arbre, et mon exemplaire est en train de prendre un bain de rosée. » Il se leva précipitamment et courut à la recherche du précieux volume. Ce ne fut qu'après l'avoir trouvé qu'il rejoignit les deux amoureux et qu'ils prirent tous trois le chemin du Val-Clavin. « À quoi bon vous en dire davantage ?» Évonime fit entendre raison à M. Delille et Jacques et Antoinette se marièrent en novembre. Aujourd'hui, ils vivent tous aux Corderies. Évonime a été le parrain du premier enfant de Londine. Le bambin commence à grandir et Ourmancet lui apprend à lire dans les fables de La Fontaine. Le brave garçon en est tout heureux. « Je le forme à mon image, » dit-il. « Je goûte les joies de la paternité sans avoir les angoisses du mariage. J'étais né pour être oncle. » Ainsi s'achève une Ondine par André Theuriet.